Affaires sensibles, du lundi au vendredi sur France Inter, à partir de 15h. Aujourd'hui dans Affaires sensibles, l'histoire d'un scandale médiatique qui a secoué la presse allemande et européenne, un scandale tout récent, né des mensonges d'un journaliste, Klaas Relotius. En décembre dernier, quelques jours après avoir été consacré reporter de l'année, ce journaliste du Spiegel, le grand hebdomadaire d'investigation, est confondu par sa hiérarchie. L'un de ses collègues du magazine vient de découvrir que son dernier reportage en date est falsifié. Paru 2 semaines plus tôt, l'article en question, qui décrit les activités d'un groupe de miliciens américains anti-migrants, a été créé de toutes pièces par le journaliste. Et s'il s'agissait de la seule tromperie du reporter, mais non. Très vite, on découvre que 14 de ces articles sont à 2 degrés divers, truffés de mensonges, d'inventions, d'approximations. Alors, Relotius démissionne et la rédaction du Spiegel est sous le choc. Mais comment a-t-il réussi à tromper l'une des rédactions les plus prestigieuses d'Europe? Quelles ont été les conséquences de l'affaire? Et puis, à l'heure des fake news, de la guerre, de l'information et des réseaux sociaux mondialisés, que signifie la trajectoire de Klaas Relotius? Enfin, est-il une exception? Notre invité aujourd'hui est Vincent Kaufmann, professeur de littérature et d'histoire des médias à l'université de Saint-Gall en Suisse. Affaires sensibles, une émission de France Inter en partenariat avec l'INA, préparée aujourd'hui par Guillaume Ballandras, coordination Christophe Barrère, réalisation Hélène Bizio. Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter. Berlin, 3 décembre 2018, l'hiver s'est abattu sur la capitale allemande et la ville se prépare tranquillement à fêter Noël. Le long du fleuve Spree, dans la salle du Tipi, le monde de la presse s'est donné rendez-vous, comme chaque année, pour la cérémonie prestigieuse du Deutsche Reporterpreis, l'équivalent de notre prix Albert Londres. Elle consacre en effet les meilleurs journalistes du pays à travers une ribambelle de distinctions. Ce soir-là, ils sont 400. Petit four, champagne, tapis rouge. La soirée s'annonce agréable et les prix défilent. Meilleur reportage sportif, meilleure interview, meilleure critique culturelle. Le point d'orgue de la soirée étant la remise du prix du reportage de l'année, récompense ultime pour un journaliste d'investigation. Alors, on ouvre l'enveloppe et un nom résonne dans la salle. Klaas Relotius, ce jeune journaliste du Spiegel, est récompensé pour son reportage intitulé « Ein Kinderspiel, un jeu d'enfant ». Cet article raconte le quotidien d'un jeune Syrien dans la ville de Dara, persuadé que la guerre terrible qui secoue le pays a commencé à cause d'un graffiti qu'il a peint sur un mur en 2011, donc à cause de lui. Paru en juin 2018, le papier avait ému une bonne partie de l'opinion publique allemande. Et c'est assez logiquement que les jurés du Deutsche Reporterpreis sont conquis. Le texte est dense, intime et historique à la fois, comportant également des moments de légèreté. Bref, du reportage de haut volet. Mouawiya Siané, 20 ans, est pris au piège dans les murs de sa propre ville. Face à la caméra de son téléphone, il nous lance « Je vais vous montrer où tout a commencé ». Il marche à travers les quartiers déserts. Après quelques centaines de pas, il s'accroupit dans la poussière devant un vieux mur à moitié détruit. C'est sur ce mur qu'il a peint un slogan il y a 7 ans. « Vous êtes le suivant, docteur », avait-il écrit. Le docteur en question, c'est bien sûr Bachar el-Assad. Aujourd'hui, les impacts de balles ont pulvérisé le mur et la phrase a disparu. Mouawiya s'exclame « Mon Dieu, je n'aurais jamais dû écrire ça !» Pour lui, ce n'était que des mots jetés sur une façade, une farce d'enfant. Mais il y a eu des milliers de personnes à Dara et partout dans le pays qui ont juré que ces mots faisaient de lui, Mouawiya Siané, une légende, le libérateur de la Syrie. Il y en a des milliers qui disent aujourd'hui qu'à lui seul, il a commencé la guerre avec ce graffiti et qu'il est donc responsable de tous les massacres et bombardements, des 14 millions de personnes déplacées et des 500 000 morts provoquées par le conflit. En Allemagne, personne ne le sait encore. mais la majorité de l'histoire de ce jeune Syrien est fausse. Bidon, oui. Des lieux et des scènes entières ont été inventés. Klaas Relotius a transformé la vie de son personnage principal pour la faire résonner avec l'histoire de la série. Ein Kinderspiel est une belle histoire, à vrai dire. Elle n'est pas totalement improbable, elle aurait pu très bien exister. Mais elle est une fiction, un récit façonné par celui qu'on récompense aujourd'hui. À quoi pense-t-il ce Klaas Relotius lorsqu'il s'avance vers la scène ? Autour de lui, les 400 invités l'applaudissent chaleureusement. Sourire timide, carrure d'athlète, il vient chercher son trophée. Sur la scène, il semble heureux et fixe les objectifs des photographes. Avec ses yeux clairs, sa petite coupette et sa raie sur le côté, il aurait presque des airs de Tintin. À seulement 33 ans, Relotius est loin d'être un inconnu. C'est le 4e prix de sa jeune carrière. Et il semble destiné à un très bel avenir. Sous les projecteurs, peut-être repense-t-il à son parcours. Après une enfance heureuse et des études brillantes, il devient pigiste en 2011. 3 ans plus tard, la profession le découvre grâce à un reportage sur Ron Montgomery, un prisonnier américain atteint de la maladie d'Alzheimer. L'aisance de Relotius impressionne tout le monde à la rédaction du Spiegel et au-delà. Son reportage, en effet, lui permet de décrocher le titre de journaliste CNN de l'année. Munich, 27 mars 2014. À la Maison des Arts, sur la Lebenplatz, s'est tenue la cérémonie de remise des prix des meilleurs journalistes de l'année. 5 catégories, radio, photo, web, télévision et presse écrite. 5 catégories, 5 vainqueurs. Presse écrite. Et le vainqueur est Klaas Relotius, l'assassin comme infirmière. Ça a commencé doucement. Au départ, les autres ne le remarquèrent pas du tout. Et un jour, il sembla être une personne différente. Mais il n'est pas fou, il est malade. Montgomery a la maladie d'Alzheimer. Dankeschön. Dankeschön. Après cette première récompense, Relotius enchaîne les coups d'éclat. Au moment de la cérémonie, il est déjà l'auteur d'une 50aine de reportages pour le magazine le plus lu en Allemagne. Basé à Hambourg, dans le nord du pays, le Spiegel, miroir en français, est un célèbre hebdomadaire d'investigation qui existe depuis l'après-guerre. Tiré à 1 million d'exemplaires, il emploie 216 journalistes. Comme la Repubblica en Italie, El País en Espagne, Le Monde en France, ce journal est une institution connue dans toute l'Europe. Au sein de la rédaction du Spiegel, qui est un hebdomadaire, précisons-le, Klaas Relotius est un homme apprécié, un travailleur acharné, sérieux, passionné par son métier. Ce soir de décembre 2018, dans la salle du Tipeee à Berlin, quelques-uns de ses confrères du magazine sont présents. Et certains froncent les sourcils. Depuis peu, en effet, une folle rumeur circule dans les couloirs de la rédaction. Et même, une enquête informelle est en cours depuis une dizaine de jours, une enquête interne sur la déontologie de Relotius. Son dernier reportage en date, paru 15 jours auparavant, semble truffé de fausses informations. À l'heure des fake news et de l'information numérique, les grands médias se doivent d'être vigilants. Et au Spiegel, on compte bien tirer cette histoire au clair et rapidement. L'histoire de ce reportage qui pose question commence 1 mois et demi plus tôt, fin octobre 2018. Matthias Geyer, l'un des responsables du Spiegel, veut illustrer la politique de Donald Trump concernant l'immigration mexicaine et le fameux mur qu'il veut ériger. Geyer décide donc d'envoyer 2 de ses journalistes enquêter sur le terrain, à la frontière, où des milices arpentent le désert pour empêcher les migrants d'entrer sur le territoire américain. L'idée est de construire un récit avec un double point de vue, autrement dit des 2 côtés de la frontière. Klaas Relotius suivra donc une milice américaine, tandis que son confrère, un certain Juan Moreno, accompagnera quelques migrants mexicains. Juan Moreno est un journaliste confirmé. Âgé de 46 ans, il travaille pour le Spiegel depuis plus de 10 ans. Lorsqu'on lui propose cette enquête, il est déjà sur place au Mexique. À un confrère de Mediapart, Rory Mulholland, Juan Moreno confie sa première impression concernant Ray Lotius. Tout d'abord, j'ai eu un très mauvais pressentiment. Des années plus tôt, j'avais déjà lu un article de lui qui me semblait suspect. Donc je dois dire que je ne voulais absolument pas travailler avec Ray Lotius pour cette mission à la frontière. Début novembre, Klaas Ray Lotius s'envole donc pour le sud de l'Arizona. La première phase de son travail est délicate, elle risque de prendre du temps. Il lui faut entrer en contact avec une milice qui acceptera sa présence. Dans ses échanges de mails avec Mathias Geyer, Ray Lotius semble confiant. Et d'ailleurs, la chance lui sourit, puisque deux jours plus tard, il affirme avoir trouvé un petit groupe paramilitaire mené par un ancien soldat, un certain Chris Yeager. Klaas Ray Lotius est enthousiaste, convaincu d'avoir trouvé le personnage principal du reportage. Ray Lotius annonce à Mathias Geyer qu'il va passer quelques jours avec Yeager et sa milice dans la vallée qui longe la frontière mexicaine. Ce Chris Yeager, c'est un réactionnaire nationaliste en colère, à la vie familiale chaotique, convaincu que l'immigration est un fléau qui va détruire son pays. Accompagné par une poignée d'hommes tout aussi décidés, il traque donc les migrants le long de la frontière façon Far West, fusil à la main dans le désert. Parfois même, il leur arrive de tirer à balles réelles sur ceux qui voudraient passer la frontière illégalement. Mathias Geyer est satisfait. Klaas Ray Lotius s'est toujours trouvé le bon personnage pour raconter la bonne histoire, pense-t-il. Quel talent! De son côté, Juan Moreno suit le parcours laborieux de quelques migrants qui prennent tous les risques pour passer aux États-Unis clandestinement. Quelques jours plus tard, le travail sur le terrain est bouclé. Moreno doit rester au Mexique pour un prochain reportage. Il transmet donc ses notes à Ray Lotius, qui rentre à Hambourg, où il structure et rédige le récit. Au Spiegel, lorsqu'un article est terminé, il est d'usage de le faire vérifier par le service de documentation. Les 60 journalistes qui y travaillent épluchent et vérifient chaque information. Et justement, le service de documentation pointe quelques incohérences dans le texte de Ray Lotius. Certaines adresses ne collent pas. Et surtout, il existe un doute sur l'identité réelle de Chris Yeager. Ray Lotius prévient que le milicien avait déjà fait l'objet d'un article 2 ans plus tôt dans le New York Times. Il y était beaucoup plus discret sur ses activités et surtout, il se faisait appeler Chris Maloff. Le service de documentation est perplexe, mais Ray Lotius persiste. Il assure à ses confrères que l'homme utilise 2 identités et que son vrai nom est bien Yeager. Le reportage passe donc entre les mailles du filet. Ray Lotius est sérieux, pas le genre à mentir, pense-t-on. Appelé Jägergrenze, la frontière de Yeager, est co-signé par les deux confrères. Le papier paraît finalement le 15 novembre 2018. C'est une nuit froide en Arizona. Depuis le flanc de la montagne, les miliciens scrutent la vallée avec des appareils de vision nocturne. Chris Yeager est couché sur le ventre, le doigt sur la gâchette. En contrebas, des formes se déplacent. Il ne peut pas bien distinguer ce que c'est. Peut-être juste un cerf, un puma ou peut-être un homme avec un sac à dos. C'est la nuit des élections législatives américaines et il a appris à la radio que les 5200 soldats que Trump a fait venir à la frontière ont reçu comme ordre de ne pas tirer sur les migrants. Peut-être pense-t-il qu'il doit faire ce que les soldats de Trump ne sont pas autorisés à faire. Peut-être qu'il ne veut pas croire que les mots de Trump lors de la campagne n'étaient qu'un spectacle. Yeager plisse les yeux dans l'obscurité, son fusil sur l'épaule. Il n'a pas de cible précise. Il ne peut rien voir. Finalement, il appuie sur la gâchette. À la lecture du reportage, Juan Moreno a des doutes. Les identités des protagonistes, leur biographie, non, certains éléments ne collent pas. Et puis, pourquoi ce Yeager, ou Yeager, comme on veut, aurait-il décidé cette fois de donner son vrai nom alors qu'il l'avait caché au New York Times? Et dans ce cas, pourquoi tirerait-il sur un groupe de migrants devant un journaliste? À vrai dire, Juan Moreno est sceptique depuis le début de leur collaboration. Ce Ray Lotius, il ne le sent pas. Pourquoi, en quelques jours à peine, a-t-il réussi à entrer en contact avec ce groupe paramilitaire, là où il faut habituellement plusieurs semaines, ou même plusieurs mois? Juan Moreno, ce récit est presque trop beau, ou plutôt trop horrible pour être vrai, presque trop parfait d'un point de vue journalistique. Moreno est préoccupé, car si l'article est un faux, sa crédibilité de journaliste pourrait être entamée. Au lendemain de l'apparition du reportage, Moreno téléphone à Mathias Geyer, l'homme qui a réuni les deux reporters, et il lui fait part de ses intuitions. L'accusation est grave, alors Geyer reste prudent. Relotius est l'un de ses meilleurs reporters, et l'un des meilleurs reporters d'Allemagne, tout de même. Il n'arrive pas à le croire capable, lui, d'une telle surpercherie. Alors à quoi joue Moreno? Pourquoi veut-il faire tomber Relotius? Au micro de Spiegel TV, l'intéressé explique ses premiers doutes vis-à-vis de l'article de Relotius, ainsi que la réaction de ses confrères. Il y a eu des petits détails qui ne me paraissaient pas crédibles. Une milice citoyenne qui refuse d'être prise en photo, mais qui en même temps affirme des choses incroyables. À la rédaction, personne ne voulait y croire. Je pense même que certains journalistes s'imaginaient que j'étais jaloux de Relotius. Alors, Moreno serait-il tout simplement jaloux? Dans le doute, Mathias Geyer lui demande de vérifier ses sources et de trouver des preuves. Bien, Juan Moreno entame ses recherches. Ainsi, le journaliste retourne sur les lieux d'enquête de Relotius en Arizona. Début décembre, il retrouve deux des protagonistes que son confrère prétend avoir accompagnés le long de la frontière mexicaine. Deux des soi-disant amis de Chris Geyer. Prévoyant, il filme tout l'entretien. Et là, les deux hommes sont formels. Ils n'ont jamais rencontré Relotius. Pire, la plupart des faits décrits dans le texte n'ont jamais eu lieu. Relotius n'a rencontré aucun des protagonistes. Il a même inventé ce nom de Chris Geyer. L'article est une version romancée de la réalité, autrement dit, une fiction. Pour Moreno, il s'agit d'une véritable faute professionnelle et surtout, il dispose désormais d'une preuve accablante, la vidéo de l'entretien. Le 6 décembre 2018, trois jours après la remise des prix, Moreno envoie la vidéo à Ulrich Fichtner, l'un des rédacteurs en chef du Spiegel. Celui-ci est abasourdi. Il contacte aussitôt Mathias Geyer. Les dirigeants de l'hebdomadaire savent qu'ils vont devoir être rigoureux car les faits sont graves. Le 9 décembre, les deux hommes convoquent Relotius dans leur bureau à Hambourg et le confrontent aux accusations. Le reporter vedette nie en bloc. D'après lui, les deux miliciens que Moreno a filmés mentent pour ne pas être poursuivis, tout simplement. On demande alors des preuves aux journalistes, des photos, une vidéo par exemple. Relotius cherche dans son téléphone portable. Aïe, la photo qu'il avait prise des miliciens, il ne la trouve plus et il ne sait pas pourquoi. Les seuls éléments qu'il apporte pour le moment sont une adresse mail de son contact en Arizona ainsi qu'un compte Facebook attribué à Chris Geyer, autrement dit, pas grand-chose. Au sein de la rédaction du Spiegel, la rumeur enfle et l'étau se resserre autour du reporter de l'année. Le lendemain, le 10 décembre, Klaas Relotius se confie à une amie qui travaille également au Spiegel. Et il avoue tout. Oui, il a bien inventé cette histoire de milice. Oui, il a créé ce personnage de Chris Geyer à partir de l'article du New York Times de 2016. Quand il a vu sa version remise en doute, il a créé en urgence un faux compte Facebook ainsi qu'une adresse mail. Après la discussion, la collègue de Relotius envoie un SMS au dirigeant du Spiegel. « C'est pire qu'un cauchemar », écrit-elle. Pour le journaliste, c'est clair, l'heure des comptes a sonné. Le 13 décembre, il est entendu de nouveau par sa hiérarchie. Et cette fois, il dit tout. Juan Moreno avait donc raison. Mais l'histoire ne s'arrête pas là, car le mal est plus profond. Klaas Relotius avoue à ses supérieurs que d'autres reportages qu'il a signés ont été bidonnés. Et en tout premier lieu, Ein Kinderspiel, l'histoire même qui lui a valu le prix de reporter de l'année. Vous savez, ce jeune Syrien qui pense être le responsable de la guerre civile qui secoue son pays, eh bien lui aussi est un personnage de fiction. et son portrait du prisonnier atteint d'Alzheimer qui lui a valu le prix CNN en 2014. Mais oui, là encore, c'est une manipulation. Ray Lotius a inventé de nombreux détails. Quant à son voyage en bus avec une Américaine qui assiste aux exécutions de détenus, il n'a jamais eu lieu. En tout, 14 reportages sur la cinquantaine qu'il a écrit depuis 2011 sont des faux. Et les degrés de falsification sont divers. Certaines histoires sont complètement inventées, d'autres sont un mélange entre réel et fiction. Bref, la vérité et le mensonge se confondent dans de nombreux textes de Ray Lotius. Alors, la première question qui suit ses aveux est peut-être la seule qui mérite une réponse. Pourquoi ? Pourquoi a-t-il fait ça ? Paresse ? Envie de révéler des histoires incroyables, d'asseoir sa réputation de reporter ? Face à ses supérieurs, Ray Lotius se lance dans un début d'explication. Ce n'était pas pour me faire remarquer, c'était la peur de l'échec. Plus j'avais de succès, plus la pression de ne pas échouer grandissait. Je suis malade et j'ai besoin qu'on m'aide. Après cette réunion du 13 décembre, la nouvelle se répand comme une traînée de poudre entre les murs du journal. Toute la rédaction est sous le choc. Les collègues de classe Ray Lotius sont effondrés. Dans le hall du bâtiment, sur un mur, en lettres argentées, la devise du Spiegel est gravée, signée par le fondateur du journal, Rudolf Augstein, « Sagen, was ist », soit « dit ce qui est ». Le credo résonne aujourd'hui comme une cruelle ironie. Le Spiegel, miroir en allemand, n'a jamais aussi bien porté son nom. Le journal doit plus que jamais se regarder en face, rendre l'affaire publique. Legt ein Feuer um mich, trag mich auf der Haut. Schwimm mit mir im Wasserbett, aber zieh die Hemmung aus. Ja, lift mich in den Morgen rauf, mir jedes Haar. Lass mich an dir kleben, aber bringe mein Herz in Fahrt. Du bist der Spiegel meiner Träume, ich kann nichts dagegen tun. Weiß nicht, wie soll ich es dir sagen, denn dazu fehlt mir noch der Mut. Und so vergeht die Zeit. Durch die Wüste, aber schlag mit mir Alarm. Du bist der Spiegel meiner Träume, ich kann nichts dagegen tun. Weiß nicht, wie soll ich es dir sagen, denn dazu fehlt mir noch der Mut. Der Spiegel meiner Träume, du bist der Spiegel, nichts dagegen tun. Einfach sagen, so legt ein Feuer um mich, trag mich auf der Haut, jag mich durch die Wüste, aber zieh die Hemmung aus. À la fin de l'année 2018, le Spiegel traverse une crise sans précédent. Le journaliste star du célèbre hebdomadaire allemand, Klaas Ray Lotius, a falsifié à des degrés divers 14 reportages qu'il a écrits depuis 2011. Anticipant l'onde de choc, l'hebdomadaire choisit d'emblée la transparence. Ainsi, le 19 décembre 2018, un premier article sur l'affaire est publié sur le site du journal. Il est signé Ulrich Fitschner, rédacteur en chef. Beaucoup de choses sont purement imaginées, inventées, mensongères. Citations, lieux, scènes, personnages, soi-disant de chair et de sang, fake, écrit-il. Trois jours plus tard, le 22 décembre, l'édition papier du magazine paraît dans les kiosques. Et la couverture est sans appel. Sur un fond orange uni, le slogan du journal est imprimé en grosses lettres. Sagen, was ist? En tout, 23 pages sont consacrées à l'affaire. Au fil des articles, les différents collaborateurs livrent leurs analyses entre colère, tromperie et tentative d'explication. Surtout, la rédaction du magazine présente ses excuses à ses lecteurs, aux jurys qui ont sélectionné les textes du reporter et aux protagonistes figurant dans les reportages bidonnés. Car l'incendie doit être éteint au plus vite. Dans le monde, le scandale est révélé par tous les grands médias. L'onde de choc est considérable. Dans son style caractéristique, le tabloïd Bild résume ainsi l'affaire. C'est comme si des paparazzi avaient surpris le pape dans un bordel. En France, Anthony Bélanger, de France Inter, livre son analyse. Non seulement le fringant et séduisant Relotius a inventé les interviews, mais il a carrément inventé les personnages, les situations. Il a décrit une Amérique pro-Trump jusqu'au délire et assoiffé de sang de migrants. J'exagère à peine, hein. Il a fallu au rédacteur en chef du Spiegel plusieurs jours pour y croire, tellement le scandale était énorme. Parce qu'on doit à ce journaliste quelque chose comme une soixantaine d'articles fleuves, et ce depuis 2011. Seulement voilà, convoqué pour s'expliquer, Relotius a avoué, il a bien tout pipé, trop de pression. Alors plutôt que d'échouer et d'abîmer son talent qui est réel, hein, d'écriture, avec des interviews ratées ou des descriptions trop plates, il a inventé la vie qui allait avec. La carrière prometteuse des reporters Relotius se termine donc ainsi dans les profondeurs abyssales de la faute professionnelle. Il doit rendre les 4 récompenses qu'il a reçues du Deutsche Reporterpreis et CNN lui retire son titre de journaliste de l'année 2014. Alors, Relotius refuse les sollicitations et se terre dans le silence. Il rase les murs, que peut-il faire d'autre? Mais les conséquences de l'affaire dépassent très vite le cadre journalistique et la politique s'en mêle. C'est que cette affaire touche principalement des reportages sur les États-Unis. Or, en cette fin d'année 2018, le contexte diplomatique entre l'Allemagne et ce pays est compliqué. Lorsque le scandale éclate, une partie de la presse américaine s'empresse de critiquer les angles parfois caricaturaux de Relotius et du Spiegel en général. On y dépeint le plus souvent une Amérique réactionnaire, omnubilée par l'immigration latino et la conservation de son identité blanche et chrétienne. Alors, peut-on parler d'un biais anti-américain au Spiegel ? Le 21 décembre, l'ambassadeur des États-Unis en poste à Berlin, Richard Connell, adresse au magazine une lettre virulente. Il condamne la publication, son anti-américanisme, réel ou supposé, et réclame une enquête indépendante sur les agissements de Relotius. Et il écrit que ces fake news se concentrent uniquement sur la politique américaine et principalement sur certains aspects de la vie des citoyens de ce pays. Maintenant, peut-on parler de fake news ? On les associe habituellement au discours réactionnaire, ou russe en ce moment. Et cette affaire démontre que les mensonges médiatiques peuvent naître n'importe où. Personne n'a le monopole de la morale. En tout cas, le scandale jette le trouble sur toute la profession. Et la confiance déjà précaire des citoyens vis-à-vis des médias risque de s'effondrer. Écoutons à ce propos l'analyse de Jörg Tadeusz, un célèbre journaliste allemand. Il répond aux questions du podcast Welt. Ach, das ist auch Bullshit. C'est idiot de dire que Relotius est une victime du système. Ce n'est pas parce que les journalistes subissent une forte pression économique qu'ils sont amenés à tomber dans ce genre de pratique. Et puis, au Spiegel, Relotius n'était sûrement pas le plus mal loti. C'est délibérément qu'il a pris la décision de falsifier ses articles. Chaque journaliste fait ses choix en conscience. On ne peut pas toujours mettre ça sur le dos des circonstances. Je crois surtout que cette affaire regrettable est une occasion de débattre du métier de journaliste. Et je me réjouis que ça soit le Spiegel lui-même qui ait révélé ses bidonnages, et non pas l'AFD qui crie aux fake news en permanence. Néanmoins, on peut se demander s'il n'y a pas aussi une forme de pensée unique dans la presse généraliste. D'ailleurs, les cadres du parti d'extrême droite de l'AFD, Alternative Front Germany, sautent sur l'occasion. Il clame que cette histoire est bel et bien la preuve que les médias officiels ne produisent que des informations mensongères et que la rédaction des Spiegel est ouvertement politisée. Alors, faut-il remettre en question le système ou s'agit-il simplement d'un problème de personne ? Dès les premiers jours suivants les révélations, la cinquantaine d'articles écrits par Relotius est épluchée par la rédaction. La moindre incohérence, même minime, est consignée. Ainsi, le 8 mars dernier, un très long article est publié sur le site internet du magazine. Il reprend et commente point par point chaque fabrication ou extrapolation de Relotius dans une vaste opération de fact-checking. Dans le même temps, une enquête est diligentée au sein du magazine allemand. Elle est menée par trois journalistes expérimentés, dont un extérieur au journal. Elle doit permettre de comprendre comment les articles falsifiés ont pu passer au travers du système de contrôle, de la rédaction, le fameux service de documentation, pourtant jugé exemplaire. Celui-ci peut facilement vérifier une information factuelle, mais le processus présente tout de même des limites, car enfin, personne ne peut savoir si une conversation entre un reporter et son informateur est vraie, ou même si elle a eu réellement lieu. Mais il y a des histoires qui existent déjà, dans lesquelles il est possible de trouver un point de torsion. On peut comme ça les raconter différemment. Et je n'ai aucun problème avec ça. Je n'ai pas d'autre choix que celui de dire la vérité. Cet extrait d'un entretien avec Relotius, datant de juillet 2015, sonne presque comme un aveu. Dans le monde médiatique, une des questions posées par toute cette affaire mérite pourtant qu'on s'y attarde. Un journaliste a-t-il le droit de tordre le réel pour le faire entrer dans le discours qu'il veut développer ? Non, bien sûr. Où commence la propagande ? Où commence la fiction ? La déontologie des journalistes européens est régie depuis 1971 par la Charte de Munich. Ce texte édicte 10 règles, telles que respecter la vérité, ça paraît évident, ou encore ne publier que des informations dont l'origine est connue, ça paraît encore plus évident pour un journaliste, sinon il se fait romancier. Klaas Relotius a donc totalement failli à ses devoirs. Il a menti à ses collègues et à ses lecteurs. Et si Juan Marano n'avait pas alerté sa hiérarchie, combien d'autres mensonges aurait écrit Klaas Relotius ? De son côté, Juan Moreno, celui par qui le scandale est arrivé, continue d'écrire pour le Spiegel et d'autres publications. Interrogé par des confrères du Spiegel, il nous offre une conclusion, disons, provisoire. Mes chefs auraient-ils dû réagir différemment ? Oui, probablement. Aurais-je réagi différemment à leur place ? Non, probablement pas. Pouvons-nous apprendre quelque chose de toute cette histoire ? Oui. Les journalistes sont des gens. Les gens mentent. Je ne suis pas qu'un auteur de papier magazine. Je ne suis pas plus intelligent qu'un autre et loin d'être parfait. Je ne suis pas Mère Teresa. Demandez à ma femme, elle vous le dira. Au Spiegel, la commission des trois journalistes censés mettre au jour les dysfonctionnements internes du magazine est aujourd'hui encore en plein travail. Les résultats de leur enquête ne seront pas connus avant plusieurs mois. Et d'ici là, d'autres questions cruciales restent en suspens. À l'époque d'Internet, des réseaux sociaux et de la vitesse de diffusion des informations, est-ce que la nature du métier de journaliste a changé ? Et surtout, comment faire pour que les citoyens accordent leur confiance envers ceux qui les informent ? Niemand hört es, als ich schreie. Niemand hört es. Affaires sensibles, Fabrice Drouel. Aujourd'hui, le faussaire du Spiegel, notre invité Vincent Kaufmann, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur de littérature et d'histoire des médias au MCM Institute de l'Université de Saint-Gallen, Suisse. Vous êtes notamment l'auteur de « Dernières nouvelles du spectacle », un essai sur les liens entre médias et littérature, paru en 2017. Au Seuil, vous avez aussi écrit un excellent article sur l'affaire Relotius pour le site AOC. Alors pour commencer, puisque il travaillait au Spiegel, que peut-on dire de ce journal? Comment est-il perçu en Allemagne et quelle place tient-il? Eh bien, vous l'avez rappelé dans votre reportage, le Spiegel, c'est une véritable institution en Allemagne. C'est la vitrine du journalisme de qualité allemand. S'il fallait le comparer à quelque chose en France, ça serait sans doute au Monde, même si c'est un magazine hebdomadaire. Pour vous donner aussi une idée du poids du Spiegel, il faudrait imaginer une fusion entre le Point, l'Express et le Nouvel Observateur pour arriver à se faire à peu près une idée de ce que représente le Spiegel en Allemagne. Dans les belles années 90, le Spiegel avait à peu près 1 million de lecteurs. Aujourd'hui, comme pour tous les médias, il y a une érosion. On est autour de 600, 700 000 lecteurs. C'est un média qui est célèbre, qui a imposé même en Europe un certain type de reportage, d'enquête très fouillée, de storytelling qui venait dans les années 90 du New Journalism américain, c'est-à-dire une forme de journalisme qui essayait plutôt de renouer, on dira pas avec la fiction, mais au moins avec une certaine subjectivité, qui s'opposait donc à cette école américaine aussi, qui était celle des de l'objectivité, des faits. Politiquement, oui, voilà, je veux dire, quelle est la ligne éditoriale? Politiquement, c'est un journal qui est centriste, peut-être de centre-gauche, qui défend fondamentalement les valeurs de la démocratie et qui a toujours pris très très au sérieux sa fonction de quatrième pouvoir, c'est-à-dire de contrôle de l'État, de la politique. Quand on regarde un peu la politique allemande, on se rend compte que le Spiegel était la bête noire à la fois de ministre ou de chancelier de droite, voire de la droite dure, si on pense à Franz Josef Strauss dans les années 60, et un peu plus tard à Willy Brandt, qui lui était clairement un politicien de gauche. Oui, c'est un social-démocrate, l'un des plus célèbres de la social-démocratie. Exactement. Allemande. Le panorama de la presse en Allemagne est intéressant parce qu'il y a évidemment, comme en France, les journaux locaux, mais il y a des journaux nationaux, mais qui viennent de grandes villes, qui ne sont pas forcément la capitale. Je pense au Frankfurter Allgemeine Zeitung, Die Welt, je ne sais pas où il est, Das Bild aussi. Donc ce sont il y a une presse avec des grands titres, mais qui sont pas forcément, ils viennent pas tous de Berlin, on est bien d'accord? Exactement. Ça, c'est lié à l'histoire de l'Allemagne récente. Beaucoup de maisons d'édition, après la guerre, se sont installées ou ont repris du service à Hambourg. Et puis, il y a la Frankfurter Allgemeine Zeitung qui, évidemment, est basée à Francfort. Et les choses n'ont pas tellement changé. Il y a un certain nombre d'éditeurs qui ont, évidemment, ouvert des bureaux à Berlin. Mais l'histoire de l'Allemagne et aussi le fait que c'est un État fédéraliste explique qu'on n'est pas dans cette situation centralisée de la France. Exactement. Alors, on l'a vu dans le récit, les textes bidonnés de Relotius concernent presque uniquement l'Amérique de Trump. Il n'hésite pas à inventer les détails pour dénoncer des travers qui existent. Hein. Selon vous, est-ce que les textes de Relotius trahissent son point de vue politique, le point de vue du Spiegel, ou le point de vue du Spiegel tel qu'il se l'imagine? À mon avis, pas trop. C'est peut-être un des points du reportage où je ne serais pas tout à fait d'accord avec les hypothèses qui étaient faites, et oui, en tout cas pas d'accord, bien sûr, avec les reproches de biais de l'ambassadeur américain par rapport au Spiegel. Tout d'abord parce que quand on regarde aujourd'hui la presse européenne, elle est presque entièrement sur des positions très très critiques, voire hostiles par rapport à Trump. Donc c'est pas du tout le Spiegel de ce point de vue-là n'est pas du tout une exception. Deuxièmement, il y a aux États-Unis des médias qui sont encore beaucoup plus féroces avec Trump, de CNN ou New York Times, en passant par le Washington Post et quelques autres. N'oubliez pas que Trump les a désignés comme ennemis du peuple. Donc les reproches de son ambassadeur en Allemagne sont simplement sur la même ligne où on essaye d'étouffer tout type de critique, qu'il s'agisse de médias américains ou de médias européens. Et puis, plus généralement, ce qu'il faut peut-être dire aussi, c'est que au-delà des 14 articles bidonnés pour le Spiegel, il semble que Relotius a également écrit des faux pour toute une série d'autres titres de la presse allemande et même suisse. Et d'ailleurs, les autres titres ont été très discrets, ont plutôt évité de faire le ménage comme le Spiegel, mais il semble qu'il y en ait beaucoup d'autres. Et finalement, dans des journaux qui ont des orientations politiques parfois très très différentes. Donc je crois que si on cherche comme ça une sorte de raison qui fait que Relotius aurait écrit tous ces faux, c'est pas tellement du côté de la politique qu'il faut chercher, c'est plutôt du côté de dispositifs médiatiques qui, à mon sens, favorisent le journalisme spectaculaire qui repose sur une demande de nous faire voir l'invisible, de raconter l'invisible. Et c'est plutôt à cette demande-là, je crois, que Relotius a finalement répondu. Et il y a aussi la responsabilité évidente et personnelle du même Relotius, avant tout. Parce que c'est pas parce que le journalisme va sur des territoires qui vous semblent un peu dangereux, vous et nous aussi d'ailleurs, qu'on est tous des Relotius. Il y a vraiment d'abord la malhonnêteté d'un professionnel, non ? Oui, bien sûr. Il s'agit pas du tout de l'excuser. De ce point de vue-là, je suis entièrement d'accord avec le point de vue de Thaddeus que vous avez introduit dans votre reportage. Relotius, il a fait un petit peu le coup du dealer toxico. C'est du genre. C'est ça, oui. Je suis malade. Je n'ai pas pu m'empêcher de fourguer de la cam. Évidemment, ça n'est pas une position défendable, mais je pense que au-delà de son cas, qui est le cas de quelqu'un qui est indéfendable, complètement indéfendable, il y a un système, un dispositif, une demande journalistique qui favorise ce genre de choses parce qu'elle favorise une certaine forme de storytelling qui va se porter sur des événements qu'on ne peut pas voir, qu'on peut précisément pas non plus contrôler. L'invisible, ce que je suis seul à voir, l'exception, etc. Tout ça est impliqué par une certaine idéologie journalistique du storytelling. Et c'est pas par hasard que c'est dans ce domaine-là qu'il y a des faux. Il y a d'autres types de journalisme où simplement on ne peut pas produire des faux. Si vous prenez, je sais pas moi, pour prendre quelque chose de très très récent, les émissions qu'on entend sur les chaînes télévisuelles à la suite des élections européennes, il n'y a pas la moindre place pour un faux parce que ce serait immédiatement démenti par quelqu'un d'autre. Oui. Donc c'est dans ce journalisme d'enquête, dans des magazines qui se spécialisent dans le récit journalistique que ce genre de choses arrivent. Alors, continuons à parler du Spiegel, hein, au-delà du cas de Relotius. Et pour ce cas-là aussi, la transparence. Donc, j'imagine que ça n'a pas dû être facile d'être rédacteur en chef, directeur de rédaction Spiegel à ce moment-là, même totalement infernal. Quel regard vous portez sur ce mea culpa de 23 pages hein, du Spiegel? C'était aussi une question de survie pour le journal, j'imagine. L'enjeu est énorme. Oui, l'enjeu est énorme parce qu'encore une fois, le Spiegel, c'est une institution et le fait qu'il y ait un faussaire dans le Spiegel, c'est sans doute encore plus grave que partout ailleurs. Oui. La réaction du Spiegel, à mon avis, est à peu près la seule que le Spiegel pouvait avoir, mais c'est quand même une réaction qui a quelque chose un peu d'une conjuration, c'est une façon de faire comme si Relotius était un cas isolé, un accident, et que ça ne remet pas vraiment en cause les dispositifs en place dans le Spiegel, ni l'orientation globale du média. En plus, on en remet une couche de conjuration en expliquant qu'on a mis sur le coup trois experts, trois journalistes expérimentés qui vont analyser les problèmes et redéfinir finalement les règles du fact-checking. Et de façon très intéressante, c'était il y a maintenant bientôt 6 mois et on attend toujours. C'est typique dans ce genre de crise, on en remet une couche sur les règles, on resserre la vis. En Allemagne, on mettra en place des experts. En France, on exigerait une nouvelle loi, sans doute. C'est une mentalité un peu différente. Et puis après, on n'entend plus grand-chose et il est tout à fait possible que au niveau de des règles de, soi-disant de transparence qui vont être appliquées dans le Spiegel, il n'y a pas grand-chose qui va changer, parce que fondamentalement, je ne crois pas qu'on puisse changer grand-chose par rapport à ce genre de cas et de possibilités. Cela dit, il y a quand même des baisses des ventes. Vous disiez 1 million, il fut un temps 600 000 aujourd'hui. Alors, il y a la concurrence d'Internet, le fait que le métier a changé, que c'est plus dur évidemment. Mais est-ce que le Spiegel a perdu des lecteurs après cette affaire-là? Est-ce qu'on sait ce que c'est? Est-ce qu'on peut le mesurer? Je n'ai pas vraiment de chiffres là-dessus. Je crois, oui, qu'il en a perdu un certain nombre. Il essaye maintenant, évidemment, de limiter les dégâts et de se stabiliser. On l'a vu dans le récit, les textes au Spiegel passent par un service de documentation, il s'appelle comme ça, de vérification, enfin, qui épluche chaque détail. Alors on se dit, mais comment il a réussi à passer à travers les mailles de ce filet, de ce grand filet d'inspection professionnelle, hein, avant de publier l'article, il est vérifié, sur-vérifié. Et là ça a servi à rien, cette structure, au bout du compte. Oui, ça n'a servi à rien et on est au cœur du problème avec cette question. C'est que justement, quand on fait du reportage, de l'investigation, quand on se balade sur la frontière entre le Mexique et les États-Unis avec des milices qui sont fondamentalement des clandestins, c'est extrêmement difficile de vérifier quoi que ce soit. Ce que les fact-checkers peuvent très bien vérifier, c'est des dates, c'est le temps qu'il faisait tel jour, c'est l'adresse d'un témoin, c'est l'âge du capitaine, etc. Toutes sortes de choses où vous avez des renseignements qui sont accessibles d'une manière ou d'une autre, mais quand on en arrive au cœur des enquêtes, et vous avez cité là un bout du reportage où Relotius décrit Jaeger qui appuie sur la gâchette, c'est quelque chose qu'on ne pourrait jamais contrôler si c'est vrai ou pas. Donc il y a précisément dans ce genre-là de journalisme des choses qui sont tout à fait incontrôlables et une sorte de case vide, si vous voulez, que les fact-checkers ne pourront pas contrôler et qui peut très bien être la case de la fiction en fin de compte. Et puis pensez aussi à ce que ça représente, le fact-checking par rapport à des sources. C'est aussi quelque chose que presque par définition, si vous voulez garantir l'anonymat des sources, si vous voulez avoir des sources dans le journalisme, vous ne pouvez pas exiger que leur identité soit contrôlée. Il y a des enquêtes célèbres, énormes, qui n'auraient jamais eu lieu si les journalistes avaient dû prouver que leurs sources existaient véritablement. Pensez par exemple au Watergate, avec toute l'histoire de Mark Felt, le vice-directeur du FBI, dont on apprend des décennies plus tard que c'était lui. S'il avait fallu prouver à la rédaction du Washington Post qu'il existait, que c'était lui, l'enquête n'aurait pas abouti, il serait parti, on l'aurait plus vu. Et puis les sources, de toute façon, sont protégées en France, en tout cas par la loi de janvier 2010. Alors, en théorie, protégées. Hein, on s'est aperçu que c'est pas toujours le cas. Alors, je vais lâcher le mot. Est-ce qu'on peut parler de fake news? Pour le cas Relotius. Moi, je dirais plutôt pas. Bon, fake news, c'est un terme très très élastique. C'est le symptôme de beaucoup de choses. Je crois que les fake news, tels qu'on les entend en général, ce sont des mensonges avec lesquels la question de la réputation de ceux qui les lancent ne se pose pas, en fait. C'est-à-dire, dans la plupart des cas, ceux qui diffusent des fake news, ça leur est complètement égal qu'on les désigne comme des menteurs. Ils n'ont aucune réputation professionnelle à défendre comme celle d'un Klaas Relotius. Donc ça, je crois, c'est un autre type de mensonge, le faux comme le fait Relotius, où ça s'inscrit dans un média traditionnel avec une réputation, ou bien tout ce qui va circuler sur les réseaux sociaux, etc. Avec des gens qui se fichent comme de l'an 40 de leur réputation de journaliste ou de choses comme ça, parce que précisément ils ne sont pas des journalistes. On peut même aussi différencier ce type-là de fake news de Relotius en comparant par exemple encore avec un média comme Fox News aux États-Unis. Là aussi, ça leur est complètement égal qu'ils mentent. Il y a la démarche est ouvertement politique là. Exactement. Dans cette télé, et puis au-delà de ces différenciations entre certains types de mensonges, il faut voir aussi que le terme de fake news, maintenant, il intervient simplement dans un discours qui est là pour disqualifier les médias traditionnels. C'est dans ce sens que Trump l'utilise. Il passe son temps à désigner les médias traditionnels, fake news, CNN, New York Times, etc., comme des fake news. Donc, c'est devenu simplement un instrument au service d'une disqualification des médias traditionnels. Donc, pour toutes ces raisons, je crois qu'il faut un petit peu... Mais c'est différent. Un petit peu à distinguer. Ce que vous dites est très clair, en tout cas pour ce qui concerne Relotus et le fake news, la démarche est différente. Alors, il existe dans notre émission à Faire Sensible, vous êtes en Suisse, donc pas la suivre tous les jours, mais du lundi au jeudi, nous diffusons une émission du type de que celle que nous sommes en train de diffuser aujourd'hui. Et le vendredi, on appelle ça la fiction. Alors, la fiction, c'est souvent des fragments d'histoire autour d'un moment historique qui a existé, avec des personnages qui ont existé, qui sont incarnés par des comédiens, à qui le scénariste fait dire des choses que le personnage, en réalité, n'a pas forcément dites. Mais on présente ça, effectivement, comme la fiction. Donc, il n'y a aucune ambiguïté là-dessus. Pour vous, dans un article, un reportage, maintenant, où commence la fiction, où est la frontière avec la réalité, parce qu'elle est parfois floue, et pas forcément dans une démarche mensongère. Pas forcément. Et vous avez tout à fait raison. La fiction, c'est quelque chose qui commence très vite. C'est quelque chose qui commence, par exemple, avec un point de vue subjectif. À partir du moment où on parle d'un point de vue subjectif, on n'est déjà plus dans cette espèce d'objectivité un peu mythique que certains revendiquent pour le journalisme. À partir du moment où vous avez des impressions, vous citiez là tout à l'heure. Des extraits du reportage de Relotius sur Jäger, il y avait des formules du genre « peut-être pense-t-il que, peut-être pense-t-il que pas », etc. Ouais. La fiction commence là. C'est quelque chose que Relotius ne sait pas. Bon, et pour cause, il n'y était pas. Mais même s'il y était, il aurait peut-être cette même formule parce qu'il n'est pas dans la tête de Jäger. Ah oui. Et donc, dès que vous faites ce genre d'hypothèse, vous êtes dans la fiction, vous donnez des impressions, et puis il y a une organisation fictive. On va conclure juste encore quelques mots, mais après c'est fini. Pardon. D'accord, je voulais juste dire que dans le simple choix d'une séquence d'événements ABC plutôt que DEF, vous avez un effet de fiction, vous sélectionnez dans la réalité, vous sélectionnez aussi par des omissions. Bien, merci, c'est bien entendu. Merci beaucoup Vincent Kaufmann, pardon de vous avoir un peu bousculé, mais c'est vraiment l'heure. Au revoir. Oui, merci, au revoir. Au revoir. C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, classe Lotus, le faussaire du Spiegel, une émission que vous pouvez réécouter en podcast, bien sûr, sur franceinter.fr, et merci à Henri Bérec, qui était à la technique aujourd'hui.